médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement, et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour aussi aux autres. Bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, J'entends Rien, le magazine d'actu tout terrain en direct le mercredi à midi, 19h, et le jeudi à 8h du matin. Aujourd'hui, ce mag sera intégralement consacré à un travail effectué par la compagnie Ola avec des personnes incarcérées à la maison d'arrêt de la Talaudière. On retrouvera plus de 55 minutes de lettres écrites et de dédicaces musicales à l'attention de leurs proches ou du reste du monde. Mais je vais commencer avant ça par le rituel du coup de cœur de la semaine, coup de cœur musical de la prog de Radio Dio. On me dit souvent que je ne passe que des projets obscurs et inconnus. J'ai donc décidé de commencer cette saison par une grande dame du rock'n'roll en la présence de Kim Deal. Kim Deal, que l'on connaîtra pour un Where Is My Mind ou un Cannonball via ses groupes les Pixies, les Breeders, et qui sort son premier album solo à 63 ans, comme quoi il n'est jamais trop tard. Rassurez-vous, il sortira le 22 novembre prochain sur le label 4AD, s'intitule Nobody Loves You More, Personne ne t'aime plus. J'espère qu'elle n'est pas en crise de la soixantaine et qu'elle ne fait pas juste ça pour qu'on l'aime à nouveau. En tout cas, je pense que les fans de rock'n'roll, de punk rock seront au rendez-vous pour cet album que j'ai eu l'occasion d'écouter et qui s'avère riche, varié et très beau. Il a été enregistré par Steve Albini avant sa mort, peut-être un des derniers disques qui sortira enregistré par ce grand monsieur du son. Je vous propose tout de suite un premier extrait assez pop et assez léger de cet album à venir. Il s'intitule Coast sur le 8-9-5. Roll out. Et maintenant, nous arrivons au cœur du sujet de Plus Fort, J'entends Rien, consacré donc à une création unique et spécialement pour vous, très chers auditeurs. Ça a été porté par Superstra, qui a l'habitude d'inviter des projets artistiques ancrés dans différents territoires de la Loire. Cette fois, c'est la compagnie Eola, venue de Bordeaux, une espèce de nébuleuse à multiples projets qui porte depuis quelques années maintenant des ateliers d'écriture de lettres enregistrées dans les prisons. Et les lettres qui sont effectivement pensées pour être ensuite diffusées sur des radios associatives. Il y a eu ce projet déjà autour de Bordeaux, et cette fois c'est à Saint-Étienne que se sont arrêtées les énergies de toutes ces personnes de Eola. Du côté de la maison d'arrêt de la Talaudière, une bonne petite tripotée de lettres sélectionnées et montées par nos petites mains que vous allez écouter maintenant. Je n'en dis pas plus. Le contenu est assez clair, équivoque et précis. 56 minutes 20 donc des personnes incarcérées de la Talaudière sur cet atelier. Un grand, grand bravo à eux et elles. Les lettres que vous allez entendre ont été écrites dans le cadre d'un atelier mené par la compagnie Eola à l'invitation de Superstra en juillet 2024 à la maison d'arrêt de la Talaudière. Chacune et chacun a écrit une ou plusieurs lettres et l'accompagne d'une chanson, d'une dédicace. Vous allez entendre les voix de Fabrice, Stella, Manu, Fadila, Thomas, Ophélie, Julia, Alex, Amine. Et pour terminer, Fabrice à nouveau. À ceux qui attendent. Salut, ça va ? Réponds pas, je sais que ça va pas. Je t'ai vu sur les bancs de la cour d'assises, pleurer plus que moi. Pendant 3 jours, tu m'as regardé prendre des coups. Pour moi, c'est mérité. Mais toi, t'as rien fait. Sauf qu'à la fin, c'est aussi toi qui as trinqué, qui paye les pots que j'ai cassés. J'ai mes travers, mais ici, je marche droit. Je marche droit pour toi, parce que tu m'attends, que ça va être long, et que chaque jour que je passe là ajoute à ta punition. Le temps, on dit que le temps est relatif, et ben, je confirme. Ici, il prend toute sa dimension, épais comme de la colle qui s'accroche à mes nailles. Mais pour toi aussi, je sais que c'est bien trop long. Des semaines qui deviennent des mois qui deviennent des années. T'es seul et t'as un trou dans ta vie, de la taille de ce que je représentais pour toi. Mais t'inquiète, un jour je sors. Je sais aussi que tant que je suis dedans, t'as pas assez de temps. Gérer le quotidien, ta vie à toi, avec en plus ma vie à moi, bloquer des demi-journées pour 45 minutes de parloir, faire tourner des machines pour que je reste propre, payer l'essence, les papiers, mes papiers que tu dois te taper. Faut tenir le coup, parce que t'inquiète, un jour je sors. Puis tu sais ce que tu représentes pour moi. Tant que tu restes, je reste à flot. Si tu pars, je pars à la dérive. Ça, c'est dur à porter, je sais. En m'envoyant ici, la cour a pris un bout de ta vie. T'aimerais peut-être partir, prendre des vacances, je sais pas, moi, être complètement toi. Mais tu veux pas, tant que je suis là. T'inquiète, un jour je sors. On retrouvera tout ce qu'on a perdu, les rires, les marches côte à côte, les conneries et les idées de génie, tout ce qu'on a perdu quand, avec moi, on t'a mis là. Mais t'inquiète, un jour, tu sors. Chantal, tu es mon soleil, la plus belle chose que Dieu m'a donnée. Je t'aime tellement, tu es ma vie. Sache que je pense beaucoup à toi, je donnerai ma vie pour toi. Merci à ma mère, à mon père, à mes frères et à mes sœurs. Vous me donnez la force pour avancer. Je suis désolée du mal que je vous fais. À ma grand-mère, je voudrais te dire que je t'aime. Je voudrais te dire que tous les jours, j'ai plus peur de perdre. S'il te plaît, fais attention à toi. Bisous, grand-mère.

Laissez-moi vous conter l'histoire d'un enfant qui ne comprenait pas bien ce qui se passait autour de lui, pourquoi il était là, quel était le but du jeu. Assis seul dans la cour de récréation, au pied d'un bouleau, il lisait des livres sur les extraterrestres ou sur les Égyptiens quand il ne partait pas en exploration à la recherche de cailloux brillants. Il se vit un temps archéologue. Pourtant, très vite, son œil sombre perçut la laideur du monde qui l'entourait, oubliant presque toute beauté et toute source de lumière. L'enfant se rêva alors instite, moniteur éducateur, prof d'anglais, éducateur spécialisé. Il voulait sauver, aider, soulager un maximum de gens. Il se serait sacrifié pour sauver la vie d'un autre, la sienne paraissant comme un grain de sable comparé à la grandeur de l'univers. L'enfant essayait de s'adapter, de se forcer à rentrer dans le moule. Un beau jour, une lueur d'espoir apparut. L'enfant se trouva une passion, étonnamment, pour le commerce. De vêtements de seconde main à sa propre marque, la vie lui sembla plus épanouissante, plus libre, plus vivante, plus vibrante. Il avait réussi à allier passion, talent, persévérance, acharnement pour créer son bel idéal. L'enfant prit son envol, découvrit de nouveaux horizons. À force de suivre sa passion et les vents, il se rapprocha trop près du soleil, cherchant où était la limite du ciel. Et plus il se rapprochait, plus il se brûlait les ailes, chaque plume se détachant une à une, en même temps que ses rêves. Amitié, gloire, argent, amour s'évanouissait. En peu de temps, l'enfant se retrouva totalement dépourvu de ses ailes. La chute fut vertigineuse. Le ciel bleu fit alors place au sol humide, froid, glaçant. L'enfant, tout étourdi, se redressa mais ne put tenir sur ses deux jambes. À genoux, contraint de ne pas bouger, il regarda ses blessures en profondeur. Alors il se roula de désespoir sur le sol, à en être méconnaissable. À force de s'agiter, il tomba avec violence dans un gouffre menant directement aux enfers. Inconscient, dans les flammes, le visage boursouflé et suant, son sang coulant en dehors de son corps, c'est à peine si ses yeux larmoyants purent déceler la seule plume qui subsistait. Bien que celle-ci avait, par péché d'orgueil, été négligée et même roussie, elle lui avait évité de passer de survie à trépas. L'enfant se rendit alors compte que sans cette dernière plume, il n'aurait pas survécu à sa chute. Il aurait succombé pour sûr. Malgré être tombé au fond du gouffre, une fois remis de ses esprits, l'air était étrangement redevenu respirable. Le brouillard s'était dissipé. Un rayon d'espoir le toucha et envahit tout son être. L'enfant se leva alors et ouvrit les yeux. Il était devenu un homme, plus grand et plus fort que jamais. Il avait transcendé son mal et sa réalité et sentait désormais un sang puissant couler dans ses veines. Dans son esprit brillait l'intention, et une fois en la vie, fut libéré de son écho. Il n'avait plus peur de rien, il ne craignait plus rien. Il avait chassé ses démons et ceux autour de lui. Il avait le cafard, mais à présent, avait écrasé cette nuisance. Alors l'homme grimpa, et grimpa encore. Sortant du trou, il pouvait désormais contempler le nouveau monde qui s'offrait à lui sous un nouveau jour. Alexandre avait pu renaître de ses cendres. Depuis, Alexandre est plumé, mais la seule plume qui reste, c'est vous, chère famille. À maman, Waza, Toy, Rataillon, Popo, Aîné, Bouboune, Gabri, vous êtes tout pour moi. Pardonnez-moi pour tout. Hâte de vous voir, bisous. Alex. Tourner le temps à l'orage, Lettre au soleil. Je te regarde à travers les grillages, à travers les barreaux, à travers les barbelés. T'es inlassable, t'as bien de la chance. L'orbite de la Terre a pas bougé. Pourtant, d'ici, t'as l'air beaucoup plus loin que depuis dehors. Heureusement que tu brilles un peu sur nous. Les jours gris, en cellule, sous la pluie, sans promenade, c'est l'enfer. Alors on prie pour que tu reviennes. Et quand t'es là, que tu nous assommes de ta chaleur, on prie aussi, mais pour que tu partes. Pour qu'on arrête de crever de chaud dans notre petit cachot. C'est ça la prison. Pas savoir ce qu'on veut, rien qui va comme il faut, jamais. Juste une certitude. On veut te revoir briller, sans rien pour nous faire de l'ombre. Un jour, je le sais, je pourrais reprendre un verre en terrasse, sous tes rayons, manger des fruits et des légumes que t'as fait pousser. Parce qu'ici, il n'y a que du bon duel, pas un grain de toi dans ma gamelle. Mais jour après jour, à force de devoir passer, je finirai par t'attraper. On m'a mis à l'ombre, mais j'en sortirai pour enfin embrasser le soleil. Leonardo, nous sommes le 18 juillet, bon anniversaire. Je veux pour toi belle chose. Je t'aime beaucoup, tu me manques. Je donne ma vie pour t'embrasser. J'espère que tu vas bien, mais tu t'inquiètes pas. Bientôt, je vais entrer à la maison. Bisous, maman. Mon pirate, je t'aime de tout mon âme. Je voudrais de t'embrasser. Tu me manques beaucoup d'avoir ton corps. Je pensais pas que notre séparation que me fasse si mal. Toutes les nuits, je rêve de toi. Bisous, mon chéri. Kad se vrate skitnice iz daleka sveta, vratit ću se i ja, da ljubav procveta. Vratit ću se i ja, da ljubav procveta. Biće srećna ti, veruj mi, tvoja će se skitnica tebi vratiti. Ti, veruj mi, tvoja će se skitnica tebi vratiti. se vrate skitnice, što ih dugo nema, vratit ću se i ja, da ljubav propeva, vratit ću se i ja, da ljubav propeva. Biće srećna ti, veruj mi, tvoja će se skitnica tebi vratiti. Biće srećna ti, veruj mi, tvoja će se skitnica tebi vratiti. Mon amour, je prends ma plume pour t'écrire ces lignes, pour m'évader quelques minutes de mes 9 mètres carrés qui nous séparent l'un à l'autre, pour oublier les clés des surveillants qui résonnent dans les couloirs, les détenus qui hurlent aux fenêtres. J'ai hâte d'être près de toi, te toucher, sentir ton parfum. Tu me manques beaucoup. On peut me priver de ma liberté, mais pas de mon amour pour toi. Quand je t'ai au téléphone, attendre ta voix me rend le plus heureux des hommes. Au fond de moi, je sais qu'un jour on sera de nouveau enlacés et on pourra profiter des moments qu'on a perdus, toi et moi, durant ces quelques mois qui nous ont séparés. Quand je regarde par la fenêtre et que je vois les oiseaux voler, je voudrais être à leur place. Je m'envolerai vers toi, je me poserai sur ton épaule, te chantera mon amour. Si c'est juste un rêve, il se réalisera un jour. On sera de nouveau ensemble pour partager mon moment heureux. J'ai envie d'hurler fort pour te dire combien je t'aime, mais je dérangerai mon co-détenu. En cellule, je ne suis pas seul. Nous n'avons pas d'intimité. Nous devons nous faire tout petits, discrets, pour ne pas déranger. Alors je pense très fort dans ma tête et je te l'écris. Tu es la lumière qui illumine mes yeux. Tu me donnes la force d'avancer. Je suis sûr que notre vie, pleine d'amour, reviendra comme avant. Tu es toujours à l'écoute, tu me conseilles, tu me donnes le courage pour oublier ce cauchemar. Je te remercie pour tout cela. Je vais te laisser sur quelques lignes, mais mon amour reste avec toi. Notre vie reprendra bientôt comme avant, avec plus de force, et j'espère que cette page sombre se tournera à jamais. Et que le soleil brillera de nouveau pour nous, mon amour. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner. Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots de rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. D'accord, je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Même ceux dont seul un frère est le gardien inavoué. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre, de corps qui se faisaient la paix. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça. Maman, je pense que tu n'étais pas prête à ce que l'on te nomme ainsi. J'aimerais te dire que je ne t'en veux pas. Mais quand tu désertais nos lieux de rencontre, tu ouvrais encore cette blessure qui tentait de se refermer. Toute ma vie, j'aurais ce sentiment d'être mal aimée. Je ne remets pas toute la faute sur toi, mais sache que ma vie chaotique, je te la dois. Si même ma propre mère n'a pas su m'aimer, qui pourrait le faire ? Ballottée de famille d'accueil en foyer, j'aimerais que tu prennes conscience que j'ai beaucoup souffert. Et depuis ce jour, une plaie béante au milieu de mon cœur s'est ouverte. Je ne parviens pas à stopper l'hémorragie. Mes mots sont crus, mais j'ai besoin que tu les entendes pour que tu réalises le mal que tu nous as fait, peut-être inconsciemment. Dieu seul sait à quel point j'aime mon fils. Instinctivement, j'ai reproduit ce schéma que je m'étais promis d'éviter. À mon tour, j'ai fui mes responsabilités et je n'ai plus assumé mon rôle de mère. Avec l'image d'une mère absente, je n'ai su faire autrement. Je sens dans ta voix du jugement, j'ai la sensation que tu me regardes comme une étrangère. Je n'ai pas assez de place sur cette page pour te dire ce que je te reproche, mais elle n'est pas non plus assez grande pour contenir tout l'amour que je te porte. Surtout, ne pleure pas, même si cela fait mal, je sais que ta vie aussi n'a pas été facile. Mais j'aurais préféré que tu te serves de cela, comme d'une force pour nous hisser au sommet. Je sais que tu es là, mais je te sens comme un fantôme. Je t'aime d'un amour inconditionnel malgré tout. Jayden, à toi, mon fils, toi que je n'ai pas vu grandir, j'ai tant de choses à te dire que je ne trouve pas les mots. Tu as maintenant 7 ans, tu es sûrement un très beau garçon, très intelligent et plein de ressources. Je suis sûre que tu travailles bien à l'école. Tu sais, l'école c'est très important, c'est ton avenir. J'espère que tu t'entends bien avec ton petit frère, prends soin de lui et protège-le. Tu es grand frère maintenant, c'est ton rôle. Tu sais, je me sens terriblement coupable de ne pas être présente pour toi. Tu dois croire que je ne t'aime pas. Mais c'est faux. Je t'aime plus que tout au monde et c'est justement pour ça que j'ai fait ce choix de te confier à ton père, car je savais qu'il s'occuperait bien de toi. Et je sais que je ne me suis pas trompée, contrairement à moi, qui étais seule, il a su prendre les choses en main. Je veux que tu saches que je me soigne, car j'espère pouvoir un jour te rencontrer. Tu dois tellement m'en vouloir, mais s'il te plaît, ne grandis pas avec cette haine au fond de toi. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Tu sais, je me suis retrouvée seule avec toi, loin de ton père, alors que tu n'avais pas un an. Je me suis sentie submergée, je me pensais incapable de prendre soin de ce tout petit être, si fragile que tu étais. S'il te plaît, je sais que ça doit être dur à croire, mais ne doute pas de mon amour pour toi. Je t'aime plus que ma propre existence, et sache que cette décision a été la plus dure de toute ma vie. Je n'ai toujours voulu que ton bien, tu es ma vie, et le combat que je mène, c'est pour toi. Insensé, insensé. Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, les clashs à l'inspection. Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions. Pardonne-moi d'être parti si tôt, d'être devenu musicien. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Toutes les fois où je devais venir te voir entre deux, trois dates. Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'en privé, c'est la tuer, donc n'abrège pas son compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du ferme. Est-ce mes rides qui m'empêchent de lui sourire? Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. Tes larmes piquaient mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais je maudis ce jour où on t'enterre. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie.

Ces pleurs dont j'ai appris l'existence, qui m'ont fait d'autant plus souffrir que j'étais impuissant face à cette détresse, à ses craintes, à sa solitude. Pendant 4 mois, et parce qu'il faut attendre des jours, voire des semaines, pour se téléphoner ou se voir en parloir, nous nous sommes écrits, tous les soirs, pour coucher sur le papier nos émotions, pour soulager nos peines aussi. Nous avons pu ainsi apprendre à nous parler différemment, car dans l'écrit, nous sommes à l'abri du regard de l'autre. Nous ne sommes pas coupés dans l'élan, pas bridés par notre pudeur. Nous nous sommes livrés à cœur ouvert, 55 courriers reçus pour ma part et tout autant envoyés en moins de 4 mois, certains joyeux, d'autres remplis de colère ou de tristesse. Un voyage dans nos émotions les plus profondes qui, une fois écrites, ne nous faisait plus mal. À toi qui m'écoutes, que tu fasses partie de ce présent, de près ou de loin, dans cette épreuve que nous avons traversée, à parfois nous conseiller, de temps en temps essayer de nous changer les idées, peut-être à nous juger aussi, t'imaginer que c'est de notre faute, que nous devons être patients et forts. Rien ne nous prépare à cela, et cette souffrance et détresse va bien au-delà de ce que tu as pu imaginer. Et dans ces pires instants, nous étions seuls, que nous deux, face à nos problèmes, face à nous-mêmes, à puiser notre force au plus profond de nous-mêmes. À toi qui m'écoutes, ne sous-estime pas ce que nous avons vécu et affronté, ne sous-estime pas ce dont nous sommes capables. Ce qui nous a sauvés, c'est la complicité que nous avons, cette capacité à communiquer, à nous dire ce que nous avons sur le cœur et à écouter l'autre. Par-dessus tout, c'est l'amour que nous avons l'un pour l'autre, un amour indescriptible, suffisamment fort pour nous sauver l'autre de sa détresse. Lorsque tout s'effondre, la seule chose qui reste, à laquelle on peut s'accrocher, c'est l'amour, l'amour d'un être, l'amour d'une vie. À vous surveillants qui lisez ce courrier, avec vos 10 ans de métier ou bien encore à l'école ou fraîchement affectés, pour vous, nous sommes parfois que des simples détenus, numéros, délinquants. Votre perception du milieu carcéral et de sa population est forcément influencée par votre formation, vos collègues et supérieurs, malheureusement rarement par vos détenus. Car nous sommes bien vos détenus, 6 heures par jour, sous votre responsabilité, et vous, notre seul interlocuteur. Pendant ces 6 heures, nous allons devoir nous plier à vos règles, et c'est bien de ces règles dont je veux vous parler, car d'une prison à une autre, elles changent, d'un étage à un autre aussi, le plus souvent d'un surveillant à un autre. Et là, comment devons-nous faire pour gérer ces règles qui changent toutes les 6 heures ? Règles pas toujours explicites, ni logiques, et parfois même assez contestables. Règles que, je vous l'accorde, vous sont parfois, voire même souvent imposées. N'avez-vous pas vous-même cette réflexion sur l'intérêt ou la logique d'une règle qui peut-être mériterait quelques réunions entre le personnel et la direction pour adapter et faire évoluer le fonctionnement interne de vos prisons ? J'ai été élevé dans l'idéologie qu'une règle bien expliquée était plus facilement applicable qu'une règle imposée. Et même si je peux concevoir qu'ici certains ne comprennent rien à rien, il y a aussi une proportion non négligeable de ceux qui apprécient à sa juste valeur une explication face à une règle. Pourquoi ne peut-on pas aller en promenade avec un livre ou une bouteille d'eau ? Pourquoi une demande de parloir dont un élément est à corriger nécessite de renvoyer tout le dossier au lieu du simple justificatif en question ? Pourquoi un surveillant me dit de servir le plat avant le dessert quand celui de la veille m'ordonnait de faire l'inverse ? En tant qu'oxy de mon étage, 65 détenus m'ont chacun fait part un jour ou l'autre d'une règle qu'ils ne comprenaient pas et face à laquelle ma seule réponse était « bienvenue en prison » tant je n'avais pas d'explication logique à fournir. Je vous livre en vrac quelques exemples de règles appliquées dont aucune explication n'a pu être fournie. Je suis auxiliaire d'étage, je dois nettoyer mon étage et servir les repas. Restaurateur dans ma vie civile, je fais parvenir ma tenue professionnelle adaptée à ces missions qui me sont confiées et qui m'éviteront d'abîmer mes vêtements personnels par la javel, l'huile, etc. Au bout de quelques jours, un chef vient m'interdire cette tenue. Pourquoi ? Je ne le sais toujours pas. Un autre détenu, incarcéré pour défaut de permis, aura pour condition de remise de peine ou de libération de repasser le code, mais on refusera tant qu'il n'aura pas eu de parloir de faire rentrer par le greffe un livre d'exercice de code, alors qu'un sac de vêtements reste autorisé. Accepter ce livre pour la bonne cause n'était pas si compliqué. Un détenu, tenu de consulter un psychologue dès son arrivée, se voit signifier que compte tenu des délais trop longs pour avoir un rendez-vous et de sa courte peine, ça vaut pas le coup. Il propose de consulter par le parloir simple, le parloir avocat ou autre, le psychologue extérieur qui le suivait, prêt à régler les consultations lui-même, la démarche est louable, mais refusée, sans la moindre explication. Et quand bien même elle existe et se défend, la proposition préalable restait suffisamment intéressante pour mériter un intérêt et une véritable explication motivant son refus. Pour l'anecdote, l'absence de consultation psychologue sera relevée et sanctionnée par le juge d'application des peines lors de la commission de remise de peine. Par semaine, nous verrons 14 surveillants, 14 règles et interprétations différentes, et aucune explication. Il y aura les détenus, et qui par exaspération et incompréhension finiront par craquer, lever le ton, se rebeller, et bien évidemment se faire sanctionner. Et ceux qui vont se résoudre à se plier aux règles absurdes sans les comprendre, tels des êtres lobotomisés, on leur demande en parallèle de réintégrer une société publique, avec indépendance et discernement, du bien et du mal. Mais elles auront passé des mois, voire des années, où toute forme d'indépendance et de discernement aura été occultée par un système plus proche d'une boîte noire qu'un procédé de réinsertion culturelle et intellectuelle. À toi, surveillant, qui me lis et m'écoute, et qui demain reviendra à nouveau nous interdire, nous obliger, n'oublie jamais qu'un monde sans règles s'effondrera, mais qu'une règle non fondée n'a aucune valeur. Le 7 juillet 2024, à ma fille Nina Jade, que je regrette le temps passé à ne pas te voir souvent. J'espère qu'avec le temps, on se verra plus souvent. Tu me manques tellement avec tes yeux d'amande. Pas grave, on a tout le temps pour attraper le temps. Ta maman qui t'aime. Ces mots sont aussi pour mon fils Ilias, que j'aime tant. Pour moi, il y a toujours son regard de petit bébé. Je n'arrive pas à m'imaginer qu'il a déjà 16 ans. Au fond de mon cœur, il reste un bébé. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. On n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir. Ça c'est une lettre pour les primaires. Salut, salut. Bienvenue, bon courage. Tu vas bouffer de la merde, tu vas rôter du sang. T'en as pour longtemps ? Bah ça va, tu seras vite dehors. Enfin dehors. C'est vite dit, c'est pas vite fait. On rentre plus vite qu'on sort. Hier encore, tu pensais pas que vivre ta vie pouvait t'emmener là. Tu croyais être comme tout le monde. Bah non, maintenant t'es un paria. Ça va te suivre toute ta vie, te garder un peu dedans. La prison, ça vaut rien. Ça a jamais rien appris à personne. T'es comme t'es. Peu importe ce que va t'apprendre le scolaire, peu importe ce que pense le psy, peu importe le nombre de surveillants qui vont voir ton cul, peu importe les autres détenus. Ici, c'est conçu pour pas que tu sortes. Jamais. Même quand ils t'auront ouvert la grande porte, que tu signeras au greffe, tu traîneras toujours ce petit boulet au pied. Des dettes que t'as fait, un pote qui attend que tu lui envoies je sais pas quoi, Un bout de chewing-gum de la promenade. Tu ressors jamais comme t'es entré. Surtout si tu fais ta vie ici. Des embrouilles, des business à 2 balles ou à 5 000. T'es sûr de revenir. Tu te souviens hier ? T'étais dehors. Dehors, c'est beau. Même dans un bâtiment qui sent la pisse, c'est beau. Ici, ça sent la pisse et t'es même pas chez toi. Et si ça devient chez toi, t'es foutu. Donc deux trucs. Un, attends-toi au pire. Ici, ça arrive tout le temps. Mais t'enferme pas, ça te protégera pas. Tout est déjà prévu pour. Si tu t'enfermes, c'est foutu. Sors en promenade, va partout, vois les autres. Il se passera ce qui se passera, mais reste pas tout seul, verrouillé dans ta tête. Ça, c'est mon deuxième conseil. Pense à dehors. Tes potes, ta meuf, ton gamin, ta mère que l'autre fils de pute insulte, tes trucs à toi, même si c'est une vieille paire de TN trouée, les user sur un trottoir, c'est mieux que les manger en promenade. Tout ça, même si t'as pris 20 piges, pense-y bien. Parce que c'est ça le vrai monde. Passer 9 mètres carrés tout pourri, avec un pélo que tu connaissais pas il y a 5 minutes qui chie à côté de toi et qui vole ton tabac. Donc ouais, c'est ton premier jour. Tu crois que t'as tout perdu, mais t'en fais pas. Un jour, tu remettras les pieds dehors, et ce jour-là, il sera beau comme l'était hier. You have power and money, but you are mortal. You know you cannot escape death, but immortality can be obtained, can be obtained. Get your days worked up. Get your days worked up. Get your days worked up. Get your days worked up. Or soon you'll be racing with the sun. Get your days worked up. Get your days worked up. Get your days worked up. Get your days worked up. Or soon you'll be racing with the sun. Inscrit, mais il n'est pas venu à l'atelier. Pourquoi ? Je peux pas descendre en promenade avec ma bouteille d'eau, sauf sur présentation d'un certificat médical. Pourquoi ? Nous les femmes, on a le droit. Je peux descendre avec un pantacourt t-shirt, mais pas en short débardeur. Pourquoi ? Pour nous, c'est pareil. Et les claquettes, pourquoi on peut pas non plus ? Mais avec des chaussettes, là, on peut ? On n'est pas à la plage ici ! On est en prison. On peut mettre un short en promenade, mais on peut pas le porter dans le couloir. Sauf qu'il faut passer par le couloir pour aller en promenade. Alors, on met le short sous le survêt ? Pourquoi nous les femmes, on a juste 3 fois par semaine la douche, qu'alors les hommes ils sont plus nombreux que nous ? Tu crois qu'il y a une raison ? Oui, bien sûr. Tu la connais, toi ? Une règle ? C'est un truc qui a une raison d'être et qu'on peut expliquer. C'est un cadre qui a une raison d'être et qu'on peut expliquer. Pourquoi nous les femmes on a juste 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi promenade et que les hommes ils sont 1h30 le matin et 1h30 l'après-midi ? Pourquoi elles nous réveillent à 5h du matin parfois ? Tu le sais pourquoi ? Il y a une raison. Mais poser des questions c'est risqué. Une explication le lundi n'est peut-être plus valable le mardi. Pourquoi ? Ici les règles qu'on respecte c'est... On balance pas. Le respect. C'est pas acquis pour tout le monde. Prends ta douche. Ferme ta bouche. Les informations sont affichées dans le couloir, mais on n'a pas le droit de s'arrêter dans le couloir. Comment on fait pour les lire alors ? Je peux pas descendre avec des mots croisés dans la promenade. Est-ce que je suis dangereux avec des mots croisés ? Est-ce que je suis dangereux ? Le stylo, je peux comprendre. S'il y a une explication, je veux bien l'entendre. Le motif d'un refus, c'est souvent... Refus ! Une règle, c'est fait pour être respectée. Sinon, on ne serait pas là. Mais les règles qui sont trop fluctuantes décrédibilisent celui qui les dicte. Mais qui croire alors ? Comment respecter la parole et la règle ? L'incompréhension, ça crée un sentiment d'injustice, de tension. Ou alors, tu lâches. On est tous là parce qu'on n'a pas respecté les règles. Pourtant, on nous a demandé d'expliquer pourquoi on n'a pas respecté ces règles au tribunal. Alors, tu me l'expliques ta règle ? Pourquoi on a du grillage devant les fenêtres ? On est des poulets ? Certains trucs ressemblent aux os. Le ballon jaune de la promenade ressemble à celui du gorille. On est des Wississi ? Moi, je voudrais d'explication. La règle, c'est censé être une limite qu'il est déraisonnable de dépasser. C'est quoi une règle ? Une loi. Une consigne. Un guide. Un cadre. Un règlement. Un fonctionnement. De l'obéissance. Une censure. De l'ordre. Ça rassure la règle ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez entendu les voix et les mots de Fabrice, Stella, Manu, Fadila, Thomas, Ophélie, Julia, Alexandre, Amine. Vous n'avez pas entendu ceux de Laurent. Il y a eu des musiques, vous en avez sans doute reconnu. Il y a eu La Crime, Johnny Hallyday, Chinese Man, Francis Cabrel, Sinan Sakic, Section d'Assaut, Amir. Merci beaucoup pour ces mots, pour ces voix. Merci aussi et bravo à la compagnie Ola. Radio Duo 89.5 FM. Et je vais finir ce magazine par une petite proposition culturelle pour ceux et celles qui sont dehors. Bien entendu, des invitations pour ce festival, le Rhino Jazz, qui s'ouvre le 28 septembre prochain, qui s'ouvre dans toute la région, entre Saint-Étienne et Lyon, grosso modo, et tout ce qu'il y a au milieu. Nous avons des invitations pour une soirée qui se déroulera le jeudi 3 octobre à 20h30, salle Le Fil à Saint-Étienne. Les frères Belmondo ont monté un groupe qui s'appelle Dead Jazz. Ce groupe a sorti un album qui reprend uniquement des morceaux du cultissime groupe le Grateful Dead. Lionel et son frangin, donc les deux Belmondo, trompette, saxophone, qui pour l'occasion n'ont pas pris de guitare, mais deux claviers un peu mythiques des années 70, à savoir le Fender Rhodes et l'Orgamond. Si vous voulez recevoir une place ou deux pour ce concert, n'hésitez pas, bien sûr, à nous appeler au 04 77 438 895, 04 77 438 895. Je vous quitte donc avec le morceau Dark Star, Dead Jazz, reprend le Grateful Dead sur le 895 de Dio. Tout de bon chez vous, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos autres. Ciao.